ka chante Le wamba kokotye Le lambe ya touvre ou Tout sa nou ka mante ou Le zanti peyi nou Mèm si nou louè ou Ou nou pa jamè oubliye ou Les Antilles. l'Afrique.